faire, cette semaine. Non, je suis pas vulgaire, je suis fidèle pour ma côte, toujours à l'affût d'une guerre ou d'une villa sur la côte. Comment faire sans la coque, le shit et les braquages, les tracas, les trois quarts des petites arraches, le braquage. Mon vieux, j'ai du vécu, l'album c'est la tuerie, toujours à fond dans les thunes, dans le naturisme, je les emmerde. Ici entre adultes, mature, voiture, haut de gamme, voiture, haut de gamme. Vois-tu, clas-tu, n'avons-tu, notre calme. Et on assume toute ma vue dans la vitre de la biche. Il me reste que quelques heures à vivre, donc fous-moi vite la bite. Ma répète, on pourra pas m'enlever de l'âme en fait. La crime m'a poussé dans un camp Vietnam, la France. J'ai loupé sa chatte, mais j'ai pas loupé le bras. Tu sais des fois, quand t'as mal au doigt, vaut mieux couper le bras. Ma démocratie, je suis comme le peuple, je revendique mes racines. J'ai trois cibles, le nerf, le pute, l'avenir est déjà tout tracé. Ok, moi je vous fais de l'ombre, je suis le père du parasol et j'ai pas peur, ouais, de dire tout haut ce qu'il y a dans le parasol. On est tous maudits, mais ça, l'état ne le dit pas. Quand je rappe, m'éloigne du paradis, petit frère n'applaudit pas. 10 bars, c'est l'enfer, handicap, belle pute, grosse. Car la première fois que j'ai ken, je me rappelle même plus. Ok, le rap est en hesse, faut que je recharge, n'est-ce pas. J'arrive d'Espagne, R6, n'est-ce pas. C'est les petits frères ont la dalle, explose les radars. Bienvenue, j'achète ta mère avec une paire de bras d'art. Ici entre adultes, mature, voiture, haut de gamme. Voiture, haut de gamme. Vois-tu, clas-tu, n'avons-tu, notre calme.